C'était le temps des fleurs, des rendez-vous du cœur. Quand je comptais les heures pour être toi et moi, deux oiseaux dans la nuit. Toi.